Nous sommes une espèce en voie de disparition. Je vais faire pleurer ma mère une dernière fois. Sur le dos, le sac est plein de munitions. Tu fais la bise à ton pote que tu considères comme ton frère, mais lui vient de te traquer ton fer par les mecs de l'Oteco. J'ai eu vent de l'autre gros, il va bientôt sortir. Il vous embrasse tous bien fort, je sais que ça va mal finir. J'ai vu les autres en boîte, ils avaient les mains moites. Bientôt la douche froide, sanctions adéquates. Veulent marcher sur nos pas, sommes tous qui n'auront pas. Ils vous disent qu'ils nous aiment pas, ils vous disent qu'ils nous aiment pas. Fils de putain, c'est nous les rois. Oh no, 11-43, tu plus vite que l'on croit. On croit, qu'est-ce que l'on voit? Sans de vampires que l'on boit. Clic, clic, bang et on voit. J'en ai vu des mecs balèzes se faire baffer comme dans Rocky. RS4, j'ai la mallette. Sheraton, ma suite à l'année. Voyons de quoi veux-tu parler? J'suis carré d'art, c'était qu'un valet. Fallait le rafaler. C'est gros la monnaie, on charbonne toute l'année. Ils te veulent enfermer, plus de clients dans l'allée. Ouais, on charbonne toute l'année. Ce qui mourra n'est pas né. Ça sera peut-être ton petit-fils qui me butera dans l'allée. Yeah. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, je te fume si tu donnes pas la valise. Tenne la valise. J'ai tout fait pour recevoir du bien, je veux plus d'amour, mais ce qu'il y a dans ta valise. Tenne la valise. Tout l'or du monde dans mes mains. J'ai pas eu ce que je voulais, alors je prends tout jusqu'à canner. Sale bâtard, j'ai niqué tous tes rappeurs. La voiture que j'ai vous baise à tous les rapports. J'ai passé du temps dans cette putain d'auto. J'étais mineur, j'ai toujours changé le fusil d'épaule. On a fait platine que d'une main. Les petits putes s'écartent de mon chemin. À table, je compte de l'oseille et je bois du vin. Je les regarde en train de prendre des billets de vin. Porte tes couilles dans la vie. J'ai des enfants, tu sais, laisse-moi du temps pour payer, frère. J'm'en bats les couilles, t'es pas mon ami. Enfermé pendant des années, les balaves que ça m'a ramené. Le parquet fait compéter par lui pour qu'on reste moins loin de nos vins. J'fais la bise à mon gueule, j'le respecte parce qu'il fallait. J'nous vois tous dans le palais, plus à traîner, le mal contraîné. Y'a des mythos, rebelles, qui se vendent au bigo. Mais quand sont le go, ils se refroidissent comme un frigo. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, tac. Tenne la valise, clic, je te fume si tu donnes pas la valise. Tenne la valise. J'ai tout fait pour recevoir du bien, je veux plus d'amour, mais ce qu'il y a dans ta valise. Tenne la valise. Tout l'or du monde dans mes mains. J'ai pas eu ce que je voulais, alors je prends tout jusqu'à canner.